Chronique hors-jeu du 13 février 2026, la disparition du lapin par Daniela Ferrière de l'Académie française. Chaque vendredi, l'écrivain livre ses réflexions personnelles sur l'air du temps, un peu comme s'il tenait un journal. La première disparition à laquelle j'ai assisté, c'était à mon 6e anniversaire. Ma grand-mère avait fait venir un magicien pour calmer la folie sonore qui régnait dans le petit salon. En effet, mes amis et moi, nous observions bouche bée les tours de magie au point que ma grand-mère s'est demandé si nos cris ne valaient pas mieux que notre silence. Le silence d'une horde d'enfants finit toujours par angoisser les adultes. Ce fut comme une détonation quand le lapin est réapparu. Dans ce splendide après-midi où il a plu sans cesse des confettis, on a connu l'une des plus fortes émotions de la vie, ce bref effarement suivi d'une joie si puissante. J'étais à cette époque le petit chenapan qui s'était faufilé derrière le magicien pour voir comment il opérait. Non pour le discréditer, mais simplement parce que j'étais fasciné par l'idée d'être un jour celui qui pourrait faire surgir l'enthousiasme chez les autres. Pour ça, il faudrait faire un tour chez les Grecs, qui ont toujours une carte dans leur manche. Dans la grande armoire, j'ai trouvé une vieille encyclopédie sous une pile de draps blancs. Brusquement, le monde s'est élargi sous mes yeux. J'entrais alors dans l'univers grec avec la ferme intention de m'y perdre. Je saurais assez vite que dans la vie, il est plus facile de disparaître que de réapparaître, de partir que de revenir. Notre ami Ulysse en est la preuve. Il est parti vers Troie, dans cette atmosphère de fête galante, plutôt sanglante, de camaraderie guerrière, la tête gonflée d'une folle ambition, ramener Hélène, pour revenir seul, à Ithaque, oublié de tous, sauf de sa vieille nourrice et de son chien. Ça fait longtemps que ces Grecs essaient de nous dire quelque chose à propos de notre appétit de gloire ou de notre soif effrénée du pouvoir et dont le nom secret est hubris. L'hubris, un terme que les Grecs connaissaient et qui s'est perdu en chemin, reprend vie ces temps-ci avec cet orgue qui se balade sur la planète en se fâchant si on ne lui cède pas tout ce qu'il veut, et il veut simplement tout. L'hubris désigne la démesure d'un individu qui se prend pour un dieu alors qu'il n'est pas à l'abri, comme tout le monde, d'une rage de dents ou d'une peine d'amour. Il aurait suffi d'attendre que le feu s'éteigne pour que toute cette agitation devienne cendre, mais nous, les mortels, ne disposons pas d'un temps infini. Je suis tombé amoureux de cette culture grecque où chaque mot avait un poids et un sens. On dit que le grec est mort, mais je sens encore des vibrations quand je tiens l'Odyssée contre ma poitrine. Caché dans la vieille armoire, d'où je ne sortais que pour manger, j'ai pu tout lire. Je suis enfin sorti de ma grotte pour prendre la route. J'ai parcouru des villes, me suis frotté à différentes cultures, connu des saisons contrastées, goûté à des saveurs nouvelles, sans cesser de m'inquiéter pour le lapin. Je loge ces jours-ci à Paris, dans ce studio près de la gare de l'Est, à côté d'un jardin fleuri et pas loin du canal Saint-Martin. À mon arrivée, la pièce était nue, mais avec le temps, les choses se sont accumulées autour de moi jusqu'à dévorer une partie de mon territoire intime comme une forêt sauvage qui s'empare d'une maison abandonnée. Il m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit et de rester longtemps dans la pénombre à épier l'avancée de toute cette végétation vers mon lit. Sur ce lit où les livres occupent déjà la moitié de l'espace. Bien sûr, il y a une table de chevet, mais ça fait longtemps qu'elle a disparu sous une montagne de bouquins dont un grand nombre s'est retrouvé par terre. Il me suffit d'un verre d'eau fraîche pour étancher ma soif, d'un couvert pour manger et d'un cerceau de plastique pour faire du hula hoop. J'ai tenté plusieurs fois d'y mettre bon ordre, mais croyez-moi, c'est impossible. Je n'arrive même pas à jeter cette tasse ébréchée et en l'impression que nous partageons une histoire secrète. Mais quand tout ça a-t-il dérapé? Des fois, je pense que ce n'est pas le fruit d'un hasard, que les objets ont une vie propre. Je remarque tout de même que j'obtiens de meilleurs résultats en négociant l'espace habitable qu'en m'imposant par la force. Quand ma mère parlait aux fleurs, j'ai toujours cru qu'elle avait raison. Pour ma part, je n'ai pas arrêté de converser avec les livres, ce qui est naturel, car un livre, c'est quelqu'un qui tente d'avoir un dialogue avec nous. En y pensant, mes relations ces jours-ci sont meilleures avec Ulysse que quand j'avais 16 ans. Il était lors à mes yeux un tricheur qui s'était servi d'un stratagème pour vaincre son adversaire. Je me sentais plus proche d'Achille qui affrontait l'ennemi à visage découvert. Aujourd'hui, Achille me paraît un être puéril, sans aucune vue d'ensemble. Il bénéficie d'un pouvoir qu'il utilise à tort et à travers avant d'aller bouder sous sa tente dès que ça ne fait pas son affaire. Tandis qu'Ulysse, par ce stratagème du cheval de bois, a cherché à ménager ses troupes. On a plus besoin aujourd'hui d'Ulysse que d'Achille. Et pourtant, c'est d'un Achille que notre époque a hérité. À propos de disparaître et de réapparaître, je développe la stratégie de l'autosurprise. Quand je ne trouve pas une chose, je l'oublie. Et quand je tombe dessus par hasard, je l'accueille avec la même joie que j'éprouve pour un ami qui refait surface. Je me demande encore ce que le magicien aurait fait si le lapin avait décidé de lui jouer un mauvais tour en disparaissant pour de bon. Les enfants auraient ri plus fort, car dans cette histoire, nous étions secrètement du côté du lapin.